Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et oui, premier numéro pour la nouvelle année 2026, la 872e d'Electric Shock. Et bien, tout d'abord, je vous souhaite donc tous mes meilleurs vœux pour cette année. Plein de bonnes choses sur le plan personnel, professionnel et plein de bonnes musiques, bien sûr. Enfin, si vous écoutez Electric Shock, ça vous savez déjà que, ben, voilà, si c'était un de vos souhaits pour cette nouvelle année, je pense que ça va le faire, comme tous les ans d'ailleurs. Et il fait féroce ce soir, très très froid, et croyez-moi, ces deux heures de métal vont vous réchauffer les oreilles et tout le reste du corps. Et bien donc, comme je vous le disais, pour cette première année d'émission de l'année, sinon ce qui vous attend, pas de best-of. Vous savez très bien que si vous écoutez l'émission depuis quelques années, ben, je ne fais pas de best-of. Pour une raison très simple, c'est que bah, à chaque fois, je serais frustré. Deux heures, ce serait pas suffisant pour vraiment faire un best-of qui me plairait. Voilà, tout simplement, il faudrait au moins trois ou quatre émissions pour que je sois à peu près satisfait. Et non, non, non, je pense que ce qui compte, c'est le présent, c'est l'avenir. Donc voilà, après tout, le best-of, on a tous un dans notre tête qui est complètement différent des uns des autres. Et c'est tant mieux. Donc ce soir, des nouveautés, comme d'habitude, qui seront au nombre de quatre, dans des styles donc complètement différents. Et puis on va commencer tout de suite bah, par un hommage, comme tous les ans à la même époque, à un très grand monsieur. C'est Phil Lynott, le leader de Thin Lizzy, qui nous a quittés il y a exactement 40 ans, enfin un petit peu plus, puisque c'était le 4 janvier 1986 que celui-ci donc quittait notre monde. Par contre, la musique de Thin Lizzy n'a jamais été autant d'actualité. Il faut dire que bah, ce mélange de rock, de funk par moment, de plein de choses, etc. Je pense que bah, s'il était resté parmi nous, il nous aurait encore surpris et fait certainement des choses encore très intéressantes et probablement encore maintenant, parce qu'il sera encore d'un âge, à mon avis, très acceptable pour continuer à créer. Eh bien, pour cette année, qu'est-ce qu'on va se faire comme hommage à Thin Lizzy? Oh là là, c'est compliqué, c'est vrai, de choisir de la pléthorique discographie de la légende britannique. Ben, tiens, si on est revenu un petit peu au Live and Dangerous, le live mythique sorti en 1978, mais plutôt sur le coffret, recoffret roboratif qui était sorti il y a ça maintenant 2-3 ans, contenant 8 CD, donc contenant le fameux album Live and Dangerous, plus la quasi-totalité des concerts qui ont servi donc de base à ce live, qui avait été donc glané un peu partout entre 76 et 77 pendant leur tournée mondiale à ce moment-là. Et je nous ai choisi non pas des morceaux hyper connus, mais j'ai préféré choisir des petites pépites que vous ne trouverez pas sur les best-of, mais quand on les écoute, on se dit « Ah ouais, tiens, ce morceau, c'est pas mal du tout ». Donc, par exemple, bah, pour commencer l'émission, on va commencer tranquillou avec It's Only Money, un des morceaux de Nightlife, pas l'album le plus connu de Thin Lizzy. Le groupe se cherchait encore, qui était à l'origine sorti en 74. Et on va se faire donc un extrait du concert de Londres du 14 novembre 76, extrait donc du coffret donc Live and Dangerous, pour commencer donc tranquillou pour la nouvelle année. I'm taking from the Nightlife album. It's a number called It's Only Monday. We'll be right back. Tranquille, mais enfin, rock'n'roll quand même, et puis la voix chaude de Phil Lynott, c'est toujours un plaisir à entendre. Donc, Opium Trail, à l'origine, un morceau qui était sur Bad Reputation, l'album Thin Lizzy de 77, mais là, enregistré live à Toronto, au Seneca College Field House, le 28 octobre 1977, et on a commencé l'émission avec un autre morceau un petit peu obscur de Thin Lizzy, It's Only Money, qui lui était enregistré à Londres le 14 novembre 1976, et ces deux morceaux sont extraits donc du coffret Live and Dangerous, sorti en 2022. Voilà, ça c'était en hommage à Phil Lynott, voilà, disparu maintenant il y a 40 ans. On va se passer quelque chose de beaucoup plus furieux avec la première nouveauté de la soirée, avec un petit peu de black metal avec le groupe Jourpal. Groupe Jourpal, donc c'est un groupe qui existe depuis 2020 et qui a déjà sorti trois albums jusqu'à présent. Ils n'ont pas perdu de temps. Il y a eu Éclosion en 2021, Tension en 2022, Dissolution en 2024. Et là, au mois de décembre, est sorti le quatrième qui s'appelle Résonance. On va s'écouter une petite douceur qui s'appelle Cinéraire. Première nouveauté pour l'année 2026, le nouvel album des Black Metalleux de Jourpal, leur quatrième résonance, et c'est écouté Cinéraire. On va se faire un petit peu de live et pour ça on va faire un petit tour du côté de Sheffield au mois de mai 2023. Où Def Leppard, donc chez eux à domicile, délivrait un concert sold out devant un stade tout acquis à leur cause. D'ailleurs, Def Leppard va revenir enfin chez nous en salle après presque 30 ans d'absence. Bon, on les a vus en festival au Hellfest en 2013 et en 2023, mais entre 96 et tout ça, rien du tout. Là, ils nous reviennent à Bercy, pardon, l'Accor Arena Hotel. Qu'est-ce que j'ai comme du mal avec ce nom-là. Au mois de juillet prochain, j'espère que ce sera bien rempli, voire même complet, parce que bon, quand même, c'est un groupe qui, quand on connaît par quoi ils sont passés, c'est plus que méritant. On va se faire un classique extrait de Pyromania en live, donc sur le Diamond Star Heroes Live from Sheffield. On va s'écouter le grand classique de Def Leppard, Photograph. classique des classiques, Bad Boys Running Wild, extrait du live Coming Home Live de Scorpion Live. Pour leurs 40 ans, 60 ans, pardon, de carrière, ouais, quand même, total respect, enregistré donc chez eux à Hanovre l'été dernier. Et eux aussi, ils étaient chez eux à Sheffield, Def Leppard, sur leur dernière tournée. Et là, ils nous jouaient donc Photograph, qu'on peut trouver donc sur le WCD Live, en vinyle, en DVD, etc. Diamond Star Heroes, live from Sheffield. Et bien maintenant, tiens, changeons un petit peu de style avec un peu de néo-metalcore. Allons faire pour ça un tour à Bruxelles, retrouver le nouveau EP de Through the Voids, et, qui s'appelle All the Words. Et il nous invite à nous réveiller, puisque le morceau qu'on va s'écouter maintenant s'appelle Wake Up. What's up? Qu'est-ce qu'il y a sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 le mardi soir entre 19h et 21h? Et oui, vous l'avez deviné, c'est bien Electric Shock. Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Donc, sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, uniquement de 19h à 21h. À l'instant, les Parisiens de Lying Down, leur premier album Nothing Remains the Same, c'était donc le morceau Abused. Et auparavant, on a eu Wake Up, extrait donc du dernier EP de Through the Void, All the Worlds. Et bien maintenant, on va se faire la deuxième nouveauté de la soirée. Pour ça, on va faire un petit tour, toujours en France, dans l'Ain exactement, avec le groupe Spirit War. Alors Spirit War, c'est un groupe qui existe depuis 2021 et qui est le bébé de Marcus Fortunato. Ouais, ce nom vous dit peut-être quelque chose parce que il est quand même bien connu depuis le début des années 2000 avec son projet MZ où vous avez fait quand même, je crois, au moins 6 ou 7 albums plus un live. Donc quand même, ça marque du peu, puis d'autres projets comme Oblivion et puis bien d'autres choses. Enfin, toujours est-il que maintenant son projet principal s'appelle donc Spirit War. Ils ont déjà sorti 3 EP, ils n'ont pas perdu de temps, hein, 2021-2022, et un deuxième album, puisque le précédent était sorti en 2023. Celui-ci est sorti donc Beyond Frontiers, là, au mois d'octobre dernier. Musicalement, on peut dire que le groupe est très influencé par le heavy mélodique des années 80. On pense à des choses comme du Rainbow Vitaminé. Si vous connaissez un petit peu ce que faisait Marcus dans MZ, on y retrouve un petit peu la même chose. Et donc, pour la petite histoire, sachez que le groupe a quand même tourné en Europe de l'Est cet été, ainsi qu'en Angleterre, en ouverture d'Ingrid Malmsteen, s'il vous plaît. Eh bien, sur deuxième album, donc, c'est Beyond Frontiers. On va découvrir tout de suite ce que ça vaut. C'est donc très heavy 80, comme je vous le disais, avec un morceau qui s'appelle « I Drink Out of You ». We'll be right back. pur heavy metal avec Demon Tool et leur dernier album La Valse des âmes. C'était le morceau Harcelé. Avant la deuxième nouveauté, donc pour cette première émission de l'année 2026, Spirit War et leur deuxième album Beyond Frontiers. On s'était écouté donc I Drink Out of You. Eh bien, tout à l'heure, on s'est fait un petit extrait du live anniversaire des 60 ans de Scorpion. Ben, un autre anniversaire aussi dans cette année 2025, c'est les 40 ans de Dream Theater. Et eux, pour célébrer ça et en garder une trace, ben, ils ont choisi notre bonne capitale à Paris pour enregistrer et filmer donc leur concert entre cette fin d'année 2024 avec un petit best-of, entre guillemets, de cette carrière quand même qui est loin d'être terminée. Et bien sûr, ce 40e live à Paris, on va se faire un petit extrait de Twain of Thought, leur album le plus heavy. Et par contre, en tant que, comme j'aime bien les contrastes, je nous ai choisi plutôt le morceau le plus cool, le plus relaxant de cet album qui est hyper métallique. C'est cette petite plage qui est Vacant. We'll be right back. Marillion. Ça me fout toujours la chair de poule. Et ça, c'est pareil, c'est une exclusivité toujours de Electric Shock, car ce que vous venez d'entendre, vous ne pouvez pas le trouver dans le commerce. C'est extrait d'un album qui s'appelle Live at the Roundhouse, qui n'est distribué qu'aux membres du fan club du groupe. Et donc, ça a été enregistré à Londres en novembre 2023. Et c'était le morceau Map of the World qui, initialement, figurait sur l'album Anorachnophobia, qui était sorti en 2001, qui était un super album. Enfin, pourquoi je dis super album en concernant Marillion? Bon, je suis pas objectif, hein, pour concernant ce groupe que j'adore. Avant Marillion, eh bien, c'était Dream Theater avec un extrait du 40e live à Paris. Et on a eu le morceau Vacant. Et bien maintenant, on va bientôt attaquer la deuxième heure. On va se faire quelque chose de beaucoup plus rock. Et pour ça, on va faire un petit tour dans les Hautes-Alpes. Retrouver le groupe Dark Rose et son premier album What's Next. Et on va écouter The Other Side. I'm not afraid to die. Fire Within, c'est le titre du deuxième album de Kill the Princess. Et on a écouté donc The Other, What You Wanted. Voilà, excusez-moi pour la petite erreur. Puisque The Other Side, c'est un extrait du premier album de Dark Rose, What's Next, qu'on vient également donc de s'écouter. Et on va maintenant que la deuxième heure d'Electric Shock est attaquée, on va se faire donc la troisième nouveauté de la soirée avec un EP collaboratif où comment une légende dont on ne pensait plus réentendre parler et un jeune qui monte s'associent. Est-ce une passation de pouvoir, un adoubement? Je pense que c'est un peu les deux. Ce que je veux parler, c'est du EP de Aerosmith et de Youngblood qui est sorti au début décembre, qui comprend donc 5 titres. Dont une petite relecture d'un classique du Smith, Back in the Saddle. Voilà, donc Youngblood qui a fait parler de lui, enfin qui est déjà très très connu en Angleterre et qui tout doucement fait son trou en France et un peu partout. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait participé à l'hommage à Ozzy Osbourne avec sa version très poignante de Changes, je pense que ça y a fait beaucoup. Il y a apporté beaucoup de crédibilité auprès de ceux qui doutaient encore que c'était un authentique performeur et un vrai rocker. Et en plus de ça, que Aerosmith dise « Allez mon gars, on va faire un petit album ensemble », je pense que ça rajoute de la crédibilité. C'est une, comme je vous le disais, un adoubement et une passation de pouvoir. Alors que dire de ce EP ? Que les deux voix de Steven Tyler et de Youngblood se marient parfaitement. À aucun moment, ni l'un ni l'autre n'essaie de prendre l'ascendant l'un sur l'autre. Au contraire, ils s'apprivoisent, ils se complètent. C'est du très très beau boulot. Petit reproche, ça vous me connaissez, c'est mon côté chicaneur. La prod me gêne un petit peu. Ah, vous allez me dire pourquoi. Parce que c'est propre, très propre, trop propre, voire même un peu trop lisse. Et par exemple sur le premier morceau, je dois avouer que l'usage de autotune, ça m'a un petit peu fait grincer des dents sur le premier morceau qui s'appelle My Only Angel, même si ce n'est pas au point des rappeurs. Moi, ça me gêne un petit peu, mais puis bon, après, on s'y fait, malgré tout. Par contre, ce que j'aimerais bien entendre, c'est ces morceaux-là, vraiment dans un petit contexte live, ça devrait vraiment être super sympa. Sinon, musicalement, on est quand même très proche de ce que proposait Aerosmith dans les années 90, c'est-à-dire du gros rock qui tape, et ça le fait encore très très bien. Je pense que vous dites « Icos », mais vous avez peut-être envie d'écouter. Eh bien donc, association d'Aerosmith Youngblood, qui s'appelle donc One More Time, ce EP, on va écouter « Problems ». petit bond dans le temps, puisqu'à l'instant, nous étions en 1982. 82, c'était l'année où Kiss sortait son album Creatures of the Night, le plus heavy de sa carrière. Malheureusement pour Kiss, c'est pas celui qui a marché le mieux, mais pourtant, il y a que des morceaux carton, n'est-ce pas? Keep Me Coming, qu'on vient donc de s'écouter à l'instant. Juste avant, eh bien, la troisième nouveauté de la soirée, et eux aussi, c'est des contemporains de Kiss. Aerosmith, qu'on pensait pas voir revenir, du moins discographiquement, puisque leur dernier album datait quand même de 2012. Mais là, ils sont associés au jeune Youngblood. Et ils nous ont sorti un EP très rafraîchissant qui s'appelle One More Time. C'est qu'on s'est écouté Problems, qui est un très très bon morceau. Comme je vous l'ai dit, le problème, c'est la prod que je trouve un peu trop lisse. Voilà. Mais sinon, ça cartonne du feu de Dieu. Et bien maintenant, tiens, on va revenir au nouvel album de Pfers, Let the Silence Begin. Et on va... Qu'est-ce qu'on pourrait s'écouter? Eh ben, pourquoi pas Defame. Chouchou de cette fin d'année 2025, et oui, les Grenoblois de Face in Agony et leur album Inside, ça m'a bien tapé dans l'oreille. See Inside, à l'instant. Juste avant Face in Agony, c'était Defame, extrait du dernier album de First, Let the Silence Begin. Et bien maintenant, on va refaire un petit voyage dans le temps. Tout à l'heure, on était en 82 avec Kiss. Là, on va revenir en 1975, aussi avec un des contemporains de Kiss, Alice Cooper. Et Alice Cooper nous a ressorti donc de ses archives un petit live de la tournée de Welcome to My Nightmare, enregistré donc à Los Angeles le 17 juin 1975. Et ce qui est très intéressant sur ce live, bon, c'est pas la performance d'Alice Cooper, le chanteur, qui a des fois un peu limite. Au moins, on sait qu'une chose, c'est que ça n'a pas été retouché. Les icônes qui l'accompagnent, par contre, c'est des tueurs. Hein. Il faut dire que bon, ouais, il y a quand même les deux gratteux, Steve Hunter et Dick Wagner, qui avaient accompagné Lou Reed, entre autres, sur le fabuleux Rock'n'Roll Animal. C'est surtout que la quasi-intégralité de cet album mythique « Welcome to My Nightmare » est interprétée. Par exemple, des morceaux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, comme « Escape ». Get me out of here! Escape! I can't escape! Escape! C'était donc Alice Cooper avec juste avant le morceau, c'était quoi, Escape. Donc tous deux extraits du live Welcome to My Nightmare live at the Forum Los Angeles June 1775 qui est sorti là début décembre. Eh ben, ça fait un petit moment qu'on, ça fait peut-être une semaine ou deux qu'on n'a pas passé un petit extrait du Dernier Testament qui vraiment est une perle, un album vraiment magnifique, hein, comme vous avez pu vous en rendre compte ces dernières semaines parce que je vous en ai quand même pas mal passé d'extraits. Puis un morceau, je me dis, putain, j'ai pas encore passé celui-là. C'est le morceau qui fait polémique parce que, il rappelle un petit peu dans son esprit un morceau de Metallica. Moi, il me rappelle un peu Fade to Black et c'est vrai que c'est pas tellement le genre de choses dans lesquelles le Testament nous a habitués, mais moi, je le trouve vraiment parfait et il s'intègre très bien dans le nouvel album Parabellum. D'ailleurs, on va l'écouter maintenant. rien acheté sur le dernier album de Testament Parabellum comme ce Meant to Be, ce superbe morceau. Et 20h43 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, ça veut dire qu'Electric Shock se termine bientôt. Les amis Nightclubbers vont pouvoir retrouver Electro Live. Et Christophe est en pleine forme après ses vacances radiophoniques, donc je pense qu'il aura prévu des belles petites choses. Donc un peu de patience pour ça. En attendant, on va se faire la quatrième et dernière nouveauté de la soirée. Pour ça, je vais vous emmener voyager. On va aller au Mexique, découvrir un jeune groupe qui s'appelle Star Force. Et bien que ce groupe soit très jeune et vienne sortir son premier album, bon, il est sorti cet été, mais j'ai juste me le procurer. Par contre, eux, c'est clair que musicalement, ils sont restés branchés à la New Wave of British Heavy Metal. Enfin bref, c'est tout à fait le genre de groupe qu'on pourrait retrouver de festival au Keep It True, par exemple. Et même au niveau son, quand on écoute l'album, on vous aurait dit « Tiens, ça a été enregistré dans les années 80 et ça n'est jamais sorti », on pourrait le croire sans problème. Donc ça veut dire qu'on pense au début de Maiden, Judas Priest, Accept, enfin ce genre de choses, ça fait du très très bon moi je trouve, sur cet album, même si ça n'a rien inventé, c'est efficace. Il s'appelle, l'album s'appelle « Behind the Eternal Light » et le morceau qu'on va défroyer ce soir, c'est « Space Warrior ». We'll be right back. Esprit des 80s avec Castle Rat et son dernier album The Bestiary, c'était Serpent. Esprit des 80s toujours avec la quatrième et dernière nouveauté de la soirée, donc venue du Mexique et premier album pour Star Force. L'album c'est Beyond the Eternal Light et c'était le morceau Space Warrior qu'on a découvert ce soir. Eh bien, on va continuer avec tiens, le live de Sammy Hagar, The Residency. Sammy Hagar, donc, qui maintenant a pris sa retraite après une carrière bien méritée. Et on va se faire deux petits brûlots de l'époque Van Halen, où il a contribué dans les années 80-90. Par exemple, ce Pancake, où il nous montre qu'il n'avait encore sous le pied. Talking About Love, donc c'était Sammy Hagar sur son live testament The Residency. Voilà, donc c'était donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Eh bien, encore une fois, tous mes meilleurs voeux et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métalliques. Eh bien, tous mes meilleurs voeux aussi aux auditeurs d'Electro Live et à Christophe. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Oui, tous mes voeux pour cette nouvelle année 2026. Donc après ces petites vacances radiophoniques, j'imagine que t'es en pleine forme et que t'as proposé un super programme pour bien commencer l'année. Oui, pas forcément les vacances pour moi la dernière semaine, mais bon, voilà quoi. On va commencer avec de la house, un set house ce soir. Eh bien, l'année 2026 commence tout de suite maintenant pour Electro Live. Je vous laisse en compagnie de Christophe. À la semaine prochaine.